Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, c'est l'heure de l'édition de la mi-journée du journal en langue française de ce jeudi 18 février 2021. Débutons par les titres. 29 milliards de francs burundais et la somme d'argent restant sur 97 milliards octroyés à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'organisation des élections de 2020 l'année passée. C'est ce qui ressort du rapport de déroulement des élections présenté ce jeudi par le président de la CENI devant le président de la République et les deux chambres parlementaires réunies. Accueil défavorable de la part de certains commerçants exerçant leurs activités tout près du marché urbain d'Ojabé de la décision du ministre de l'Intérieur de fermer les boutiques se trouvant dans les parcelles d'habitation. Vous les entendrez dans ce journal. Des coupures intempestives de courant électrique s'observent ces deux dernières semaines en mairie de Bujumbura. Vous entendrez les inquiétudes de certains habitants de la ville de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Armel Moutore est au micro. La mise en onde est assurée par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, les habitants de certains quartiers de la ville de Bujumbura s'inquiètent des coupures intempestives de courant électrique ces derniers jours. Ils disent que ce phénomène, qui dure à peu près 2 semaines, s'observe surtout le soir. Ils déplorent qu'une communication officielle n'ait jamais été faite. Aubin Yonguru pour les détails. Les habitants de certains quartiers contactés, dont ceux des zones d'Ongagara, Nyakabiga, Musaga et bien d'autres, s'inquiètent de ce phénomène de coupures intempestives du courant électrique. Celui-ci, rencontré dans la zone de Buiza, dit que ces coupures s'observent surtout vers le soir. Les coupures du courant s'observent surtout le soir. Lorsque ces coupures électriques commencent, ça se répète toutes les 2 à 5 minutes. Ça nous inquiète. Ce réparateur des appareils électroniques indique que de telles coupures causent souvent des dégâts. Les coupures du courant électrique causent pas mal de dégâts. Les appareils que je répare tombent souvent en panne à cause de ces coupures. Lorsque la tension est faible ou lorsqu'il y a surtension, les conséquences sont toujours néfastes. Les bobines et les transformateurs sont souvent endommagés. Ces habitants de différents quartiers de la ville de Bujumbura demandent à l'ADESO d'informer à ses clients sur ce phénomène de coupures intempestives du courant électrique. Merci au Ben Yong Groupage politique à présent. Sur plus de 97 milliards de francs burundais alloués à l'organisation des élections générales de 2020 au Burundi, 29 milliards sont restés. Ceci ressort du rapport du déroulement de ces élections présenté ce jeudi par Pierre Claver Kadzihise, président de la Commission électorale nationale indépendante, devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies. Des élections financées à 100% par les Burundais. La Cour constitutionnelle a validé ces résultats définitifs, de ces élections le 4 juin 2020, donnant ainsi le général-major Évariste Ndayishimiye vainqueur de la présidentielle avec 68% des voix devant le député Agathon Gwasa du parti CNL avec 22,42% des voix et du candidat du parti Uprona Gaston Sindimo avec 2,46% des voix. À 52 ans, le général-major Évariste Ndayishimiye est investi président de la République au mois d'août 2020 pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Certains habitants qui exercent leurs activités tout près du marché urbain d'Ojabé disent avoir accueilli défavorablement la mesure du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de fermer les boutiques se trouvant dans les parcelles d'habitation. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro ce jeudi font savoir qu'ils paient régulièrement les taxes à la mairie. Ils ajoutent que des espaces aménagés dans les marchés sont exigus pour pouvoir contenir toutes leurs marchandises. Il demande au ministère de l'Intérieur de surseoir cette mesure. Suivez-les. On s'est précipité dans la prise de cette mesure car nous n'avons aucun problème avec les commerçants du marché d'Odjabé. En regardant la disposition, les stands sont très réduits alors que nous avons des marchandises en grande quantité. Nous sommes obligés de faire des stocks afin de vendre nos produits. Nous payons les taxes d'une façon régulière. Aucun retard. Dire qu'on va fermer des magasins pour aller travailler dans le marché, il n'y a pas d'avantage. Ici, on paie des taxes comme on le fait dans les marchés. Plutôt, s'il voulait doubler les taxes, qu'il le fasse. Nous sommes prêts à payer. S'il veut qu'on paie mensuellement, nous sommes prêts à le faire. Mais pourvu qu'il ne ferme pas nos boutiques. Hélas, il devrait revoir cette mesure et subissoir c'est ça. Car on paie des taxes annuelles à la mairie. S'ils veulent qu'on fait mensuellement, nous le ferons. Mais qu'ils nous laissent travailler, car il y a des gens qui vendent des produits alimentaires le soir après le travail. Ici, nous travaillons dans la tranquillité. Mais les stands qui sont à l'intérieur de ce marché sont très réduits. Nous demandons au gouvernement, surtout au chef d'État, de s'impliquer dans cette situation afin de trouver ce solution. Nous avons mal accueilli cette mesure, car nous n'avons aucune dette. Nous payons 10 000 francs à la mairie de Bujumbura. Mais au cours de la semaine passée, nous avons payé ces 10 000 francs. Mais nous avons été surpris d'entendre à la radio que, dès le 1er mars, nous devons fermer nos boutiques. Les stands que vous voyez, c'est impossible d'y travailler. Qu'ils proposent des frais à payer, que ce soit à la mairie ou à l'auberge, même si ça sera d'une façon mensuelle, nous le ferions. C'était certains commerçants qui exercent leurs activités tout près du marché urbain d'Odjabé qui avait à dire sur la mesure du ministre de l'Intérieur fermant les boutiques se trouvant dans les parcelles d'habitation. 5 personnes ont été foudroyées, dont 2 morts sur le champ, 3 autres, dont un bébé d'une année sévèrement blessé l'après-midi de ce mercredi sur la colline Migongo de la commune Kiwago en province Makamba. Toutes ces victimes ont été évacuées au centre de Migongo afin d'être soignées. Ces personnes étaient dans leurs travaux champêtres lors de cet incident, selon les sources administratives sur place, qui profitent de cette occasion pour interpeller leurs administrés à plus de prudence quand il pleut, surtout dans un milieu arborescent. Après une courte pause, l'actualité internationale. Actualité internationale. En actualité internationale au Sénégal, près de 200 000 doses du laboratoire chinois Sinopharm sont arrivées à Dakar, une première étape de la stratégie vaccinale annoncée par les autorités, dont l'objectif est de lancer la campagne de vaccination à la fin du mois. Les cibles prioritaires, c'est le personnel de santé et les personnes de plus de 60 ans souffrant de comorbidité, ce qui représente 3,5 millions de personnes. Le président Macky Sall est allé en personne réceptionner la cargaison transportée depuis Pékin par un avion spécial de la compagnie nationale Air Sénégal, un jour historique selon le chef de l'État sénégalais. 2 journalistes belarusses ont été condamnés ce mercredi 17 février à 2 ans de prison ferme pour avoir participé par leur couverture au mouvement de contestation de 2020 au Bélarus, a rapporté la chaîne Belsat. Leur employeur Daria Chulsova et Katrina Bakvalova, correspondants de cette chaîne d'opposition basée en Pologne, avaient été arrêtés par la police anti-émeute le 15 novembre dans un appartement d'où elles venaient de filmer la violente dispersion d'une manifestation d'hommage à un militant d'opposition tué quelques jours plus tôt. En Libye, la population de Tripoli fête la révolution et fustige le maréchal Haftar. Les célébrations ont duré une bonne partie de la journée et de la nuit. À Tripoli, la population et les anciens rebelles fêtaient les 10 ans du début de l'insurrection qui a mis fin au règne de Muammar Kadhafi en octobre 2011. Alors que le maréchal Haftar a fait des anciens cadres de l'armée de Kadhafi ses alliés, pour prendre le pouvoir, les artisans de la révolution libyenne à Tripoli ont redoublé de ferveur hier soir pour s'en prendre à leurs ennemis de l'Est. selon Jeune Afrique, qualifiée pour le second tour de la présidentielle nigériane qui aura lieu ce 21 février. Mahman Ousmane n'est pas favori face à Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir. Mais l'ancien président espère déjouer les pronostics. Mohamed Bazoum, qui avait reçu 39,30% au premier tour, a en effet obtenu le ralliement des candidats arrivés en troisième position et quatrième position du premier acte de la présidentielle. Sémi Oumarou, 8,95%, et Albadé Oubouba, 7,7%. Le candidat du PNDS leur a promis la présidence de l'Assemblée nationale et les deux places de choix dans son futur gouvernement, et il a ce faisant adressé un message à l'électorat de ces deux anciens cadres du régime de Mamadou Tandja. Pour Mahman Ousmane, l'urgence est donc de mobiliser au maximum l'opposition afin de chambouler les calculs électoraux. Le 16 février, il était présent à Diffa et à Agadez et il prévoyait de se rendre le 17 et 18 à Tahoua et Maradi, puis le 19 à Zinder. Revenons sur l'actualité concernant la CENI. Sur plus de 97 milliards de francs burundais alloués à l'organisation des élections générales de 2020 au Burundi, 29 milliards sont restés. Ceci ressort du rapport du déroulement de ces élections présentées ce jeudi par Pierre Claver Kadirisse, président de la Commission électorale nationale indépendante, devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies, des élections financées à 100% par les Burundais. Suivons Pierre Claver Kadirisse. Turashimiye kandi abamenyeshamakuru bose ku ruhare bagize muri aya matora ya 2020 barafashije abenegihugu kumenya ibiko by'amatora. Nous disons merci aux journalistes sur le rôle qu'ils ont pleinement joué aux élections de 2020. Ils ont aidé la population à savoir comment étaient organisées les élections avant et pendant le déroulement de ces dernières. Nous les félicitons également comment ils ont pu prester tout en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Nous les encourageons d'évoluer dans ce même élan. Aux observateurs étrangers, malgré la pandémie de COVID-19, ceux qui étaient sur le territoire national, dans des ambassades et autres représentations, ont pu couvrir cette échéance électorale. Nous disons merci à cette contribution. Nous remercions ceux avec qui nous avons organisé ces élections. Je cite le personnel de la CENI au siège dans les provinces et dans les communes et ceux qui étaient dans les bureaux de vote à travers tout le pays qui ont travaillé avec dévouement. Nous disons merci à la population qui a contribué pour financer les élections de 2020. Ils ont suivi le déroulement de cette échéance du début jusqu'à la fin. Ils se sont réveillés tous pour aller voter afin de mettre en place les nouveaux dirigeants du pays. Nous remercions donc Dieu qui nous a aidés pour que les élections soient bien gérées. Claver Kadirisse, président de la CENI, traduit en français par notre confrère Évariste Ndayishimiye, à qui nous disons merci. Évariste plutôt Nziko Wanyanga, à qui nous disons merci. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Eric Ouiman assurait la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Armel Mutore. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Au revoir.